Chapitre 35e. Madame Herbault occupait au troisième étage de la maison qu'habitait aussi le commandant Bernard un assez grand appartement. Les pièces consacrées à la réunion de chaque dimanche se composaient de la salle à manger, où l'on dansait au piano, du salon où étaient dressées de tables de jeu pour les personnes qui ne dansaient pas, et enfin, de la chambre à coucher de Madame Herbault, où l'on pouvait se retirer et causer sans être distrait par le bruit de la danse et sans distraire les joueurs. Cet appartement, d'une extrême simplicité, annonçait la modeste aisance dont jouissait Madame Herbault, veuve et retirée du commerce avec une petite fortune honorablement gagnée. Les deux filles de ces dignes femmes s'occupaient lucrativement, l'une de peinture sur porcelaine, l'autre de gravure de musique, travaux qui avaient mis cette jeune personne en rapport avec Herminie, la duchesse, nous l'avons dit, gravant aussi de la musique lorsque les leçons de danse lui manquaient. Rien de plus gai, de plus riant, de plus allègrement jeune que la majorité de la réunion rassemblée ce soir-là chez Madame Herbault. Il y avait une quinzaine de jeunes filles, dont la plus âgée ne comptait pas 20 ans, toutes bien déterminées à passer joyeusement leur dimanche, journée de plaisir et de repos vaillamment gagnée par le travail et la contrainte de toute une semaine, soit au comptoir, soit au magasin, soit dans quelque sombre arrière-boutique de la rue Saint-Denis ou de la rue des Bourdonnais, soit enfin dans quelque pensionnat. Plusieurs d'entre ces jeunes filles étaient charmantes, presque toutes étaient mises avec ce goût que l'on ne trouve peut-être qu'à Paris dans cette classe modeste et laborieuse. Les toilettes étaient d'ailleurs très fraîches. Ces pauvres filles, ne se parant qu'une fois par semaine, réservaient toutes leurs petites ressources de coquetterie pour cet unique jour de fête, si impatiemment attendu le samedi, si cruellement regretté le lundi. La partie masculine de l'assemblée offrait, ainsi que cela se rencontre d'ailleurs dans toutes les réunions, un aspect moins élégant, moins distingué que la partie féminine, car sauf quelques nuances presque imperceptibles, la plupart de ces jeunes filles avaient autant de bonnes et gracieuses contenances que si elles eussent appartenu à ce qu'on appelle la meilleure compagnie. Mais cette différence, tout à l'avantage des jeunes filles, on l'oubliait. Grâce à la cordiale humeur des jeunes gens et leur franche gaieté, tempérée d'ailleurs par le voisinage des grands-parents qui inspiraient une sage réserve. Au lieu de n'être dans tout son lustre que vers 1 heure du matin, ainsi qu'un bal du grand monde, ce petit bal avait atteint son apogée d'animation et d'entrain vers les 9 heures. Madame Herbault renvoyant impitoyablement avant minuit cette folle jeunesse, car elle devait se trouver le lendemain matin, qui à son bureau, qui à son magasin, qui à la pension, pour la classe de ses écolières, etc., etc. Terrible moment, hélas, que cette première heure du lundi, alors que le bruit de la fête du dimanche résonne encore à votre oreille, et que vous songez tristement à cet avenir de si longues journées de travail, de contraintes et d'assujettissement. Mais aussi, à mesure que se rapproche ce jour tant désiré, quelle impatience croissante, quel élan de joie anticipé. Enfin il arrive, ce jour fortuné entre tous les jours, et alors, quelle ivresse! Rare et modeste joie. Jamais du moins vous n'êtes émoussé par la satiété. Le travail au prix duquel on vous achète vous donne une saveur inconnue des oisifs. Mais les invités de Madame Herbault philosophaient peu ce soir-là, réservant leur philosophie pour le lundi. Une entraînante polka faisait bondir cette infatigable jeunesse. Telle était la magie de ces accords, que les joueurs et les joueuses elles-mêmes, malgré leur âge et les graves préoccupations du nain jaune et du loto, seul jeu autorisé par Madame Herbault, s'abandonnaient, à leur insu, et selon la mesure de cet air si dansant, à de petits balancements sur leur siège, se livrant ainsi à une sorte de vénérable polka assise qui témoignait de la puissance de l'artiste qui tenait alors le piano. Cet artiste était Herminie. 1 mois environ s'était passé depuis la première entrevue de la jeune fille avec Gérald. Après cette entrevue, commencée sous l'impression d'un fâcheux incident, et terminée par un gracieux pardon, d'autres rencontres avaient-elles eu lieu entre les deux jeunes gens? On le saura plus tard. Toujours est-il que ce soir-là, au bal de Madame Herbault, la duchesse, habillée d'une robe de mousseline de laine à 20 sous, d'un fond bleu très pâle, avec un gros nœud pareil dans ses magnifiques cheveux blonds, la duchesse était ravissante de beauté. Un léger coloris nuançait ses joues. Ses grands yeux bleus s'ouvraient brillants, animés. Ses lèvres de carmin aux coins ombragés d'un imperceptible duvet doré, souriant à demi, laissaient voir une ligne d'un blanc émail, tandis que son beau sein virginal palpitait doucement sous le léger tissu qui le voilait, et que son petit pied, merveilleusement chaussé de bottines de satin turc, marquait prestement la mesure de l'entraînante polka. C'est que ce jour-là, Herminie était bien heureuse. Loin de se regarder comme isolée de l'allégresse de ses compagnes, Herminie jouissait du plaisir qu'elle leur donnait et qu'elle leur voyait prendre. Mais ce rare et généreux sentiment ne suffisait peut-être pas à expliquer l'épanouissement de vie, de bonheur et de jeunesse qui donnait alors aux traits enchanteurs de la duchesse une expression inaccoutumée. On sentait, si cela se peut dire, que cette délicieuse créature savait depuis quelque temps tout ce qu'il avait en elle de charmant, de délicat et d'élevé, et qu'elle en était non pas fière, mais heureuse. Oh, heureuse comme ces généreux riches, ravis de posséder des trésors pour pouvoir donner beaucoup et se faire adorer. Quoique la duchesse fût toute à sa polka et à ses danseurs, plusieurs fois elle tourna presque involontairement la tête en entendant ouvrir la porte de l'antichambre qui donnait dans la salle de bal. Puis, à la vue des personnes qui chaque fois entrèrent, la jeune fille parut, tardivement peut-être, se reprocher sa distraction. La porte venait de s'ouvrir de nouveau, et de nouveau Herminie avait jeté de ce côté un coup d'œil curieux, peut-être même impatient. Le nouveau venu était Olivier, le neveu du commandant Bernard. Voyant le jeune soldat laisser la porte ouverte comme s'il était suivi de quelqu'un, Herminie rougit légèrement et hasarda un nouveau coup d'œil, mais hélas, à cette porte, qui se reforma bientôt derrière lui, apparut un bon gros garçon de 18 ans, d'une figure honnête et naïve, et ganté de vert pomme. Nous ne saurions dire pourquoi, à l'aspect de ce jouvenceau, peut-être elle détestait les gants vert pomme, Herminie parut désappointée. Désappointement qui se trahit par une petite moue charmante et par un redoublement de vivacité dans la mesure que battait impatiemment son petit pied. La polka terminée, Herminie, qui tenait le piano depuis le commencement de la soirée, fut entourée, remerciée, félicitée et surtout invitée pour une foule de contredanse. Mais elle jeta le désespoir dans l'âme des solliciteurs en se prétendant boiteuse pour toute la soirée. Et il faut voir la démarche qu'Herminie se donna pour justifier son affreux mensonge, prémédité du moment où elle avait vu Olivier arriver seul. Non, jamais colombe blessée n'a tiré son petit pied rose d'un air plus naturellement souffrant. Désolé de cet accident, qui les privait du plaisir envié de danser avec la duchesse, les solliciteurs, espérant une compensation, offrirent leurs bras à l'intéressante boiteuse. Mais elle eut la cruauté de préférer l'appui de la fille aînée de Madame Herbault et se rendit avec elle dans la chambre à coucher pour se reposer et prendre un peu le frais, disait-elle, les fenêtres de cet appartement s'ouvrant sur le jardinet du commandant Bernard. À peine Herminie avait-elle quitté la salle de bal, donnant le bras à Hortense Herbault, que Madame de Beauménil arriva accompagnée de Madame l'aînée. La plus riche héritière de France portait une robe de mousseline blanche bien simple, avec une petite écharpe de soie bleu ciel. Ses cheveux en bandeau encadraient sa figure douce et triste. L'entrée de Madame de Beauménil resta complètement inaperçue, quoiqu'elle eût lieu pendant l'intervalle qui séparait deux contredanses. Ernestine n'était pas jolie. Elle n'était pas laide non plus, aussi ne lui accorda-t-on pas la moindre attention. Venue pour observer et se rendre compte de l'épreuve qu'elle voulait subir, la jeune fille compara cet accueil au tumultueux empressement dont elle s'était vue entourée à son apparition dans plusieurs assemblées. Malgré son courage, la pauvre enfant sentit son cœur se serrer. Les paroles de monsieur de Maillefort commençaient à être justifiées par l'événement. « Dans le monde où j'allais, on savait mon nom, » se dit Ernestine, et c'était seulement l'héritière que l'on regardait, que l'on entourait, autour de laquelle on s'empressait. Madame l'aînée conduisait Ernestine auprès de Madame Herbault lorsque sa fille aînée, qui avait accompagné Herminie dans la chambre à coucher, lui dit, après avoir regardé dans le salon, « Ma petite duchesse, il faut que je te quitte. Je viens de voir entrer une dame de nos amis, qui a écrit ce matin à maman pour lui demander de lui présenter ce soir une jeune personne, sa parente. Elles viennent d'arriver et tu conçois. C'est tout simple, va vite, ma chère Hortense. Il faut bien que tu fasses les honneurs de chez toi, répondit Herminie, peut-être satisfaite de pouvoir rester seule en ce moment. Madame Herbeau alla rejoindre sa mère, qui accueillait avec une simplicité cordiale Ernestine, présentée par madame l'aînée. Je vais vous mettre bientôt au fait de nos habitudes, ma chère demoiselle, disait madame Herbeau à Ernestine. Les jeunes filles avec les jeunes gens dans la salle où l'on danse, les mamans avec les mamans dans le salon où l'on joue. Chacun ainsi s'amuse selon son âge et son goût. Puis, s'adressant à sa fille aînée, « Hortense, conduis mademoiselle dans la salle à manger. Et vous, ma chère amie, reprit madame Herbeau en se tournant vers la gouvernante, venez vous mettre à cette table de nain jaune, je connais votre goût. » Madame l'aînée hésitait à se séparer de mademoiselle de Beauménil. Mais, obéissant au regard de celle-ci, elle la laissa aux soins de madame Herbeau et alla s'établir à une des deux tables de jeu. Cette présentation s'était passée, nous l'avons dit, dans l'intervalle d'une polka à une contredanse. La duchesse avait été remplacée au piano par un jeune peintre, très bon musicien, qui, préludant bientôt, convia par ses accords les danseurs à se mettre en place. Mademoiselle Herbeau, en leur qualité de fille de la maison, et fort aimable, fort jolie d'ailleurs, ne pouvait manquer une contredanse. Bientôt Olivier, portant avec grâce son élégant uniforme, qui suffit pour le faire distinguer des autres hommes, lors même que le jeune sous-officier n'eût pas été très remarquable par les agréments de son extérieur, Olivier vint dire à mademoiselle Hortense, qui entrait dans la salle à manger avec Ernestine, « Mademoiselle Hortense, vous n'avez pas oublié que cette contredanse m'appartient, et nous devons, je crois, prendre nos places. »« Je suis à vous dans l'instant, monsieur Olivier, » répondit mademoiselle Hortense, qui conduisit mademoiselle de Beauménil auprès d'une banquette où étaient assises plusieurs autres jeunes filles. « Je vous demande pardon de vous quitter si tôt, mademoiselle, » dit-elle à Ernestine, « mais je suis engagée pour cette contredanse. Veuillez prendre place sur cette banquette. » Et vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, de danseurs. « Je vous en prie, mademoiselle, » répondit Ernestine, « ne vous occupez pas de moi. » Les accords du piano devinrent de plus en plus pressants. Hortense Herbeau alla rejoindre son danseur, et mademoiselle de Beauménil prit place sur la banquette. De ce moment commençait à bien dire l'épreuve que venait courageusement tenter Ernestine. Près d'elle étaient assises 5 ou 6 jeunes filles, il faut le dire, les moins jolies ou les moins agréables de la réunion, et qui, n'ayant point été engagées d'avance avec empressement, comme les reines du bal, attendaient modestement, ainsi que mademoiselle de Beauménil, une invitation au moment de la contredanse. Soit que les compagnes d'Ernestine fussent plus jolies qu'elles, soit que leur extérieur parut plus attrayant, elle les vit toutes engagées les unes après les autres sans que personne songeât à elles. Une jeune fille assez laide, il est vrai, partageait le délaissement de mademoiselle de Beauménil lorsque ces mots retentirent. « Il manque un vis-à-vis, il faut tout de suite un vis-à-vis. » Le danseur dévoué qui voulut bien se charger de remplir cette lacune chorégraphique était le jouvencel au gant vert pomme. Ce bon gros garçon, de façon vulgaire, voyant de loin deux jeunes filles disponibles, accourut pour inviter l'une d'elles. Mais au lieu de faire son choix sans hésiter, afin d'épargner au moins à celle qui ne lui agréait pas la petite humiliation d'être délaissée après examen, ce Paris ingénu, dont l'irrésolution ne dura guère, il est vrai, que quelques secondes, se décida pour la voisine de mademoiselle Beauménil, victoire que l'objet de la préférence des gants vert pomme dut sans doute aux éclatantes couleurs et aux luxuriants appâts qui la distinguaient. Si puérile qu'elle semble être, il serait difficile de rendre l'angoisse étrange, amère, qui brisa le cœur de mademoiselle de Beauménil pendant les rapides péripéties de cet incident. En voyant les autres jeunes filles invitées tour à tour sans que personne fît attention à elles, Ernestine, revenant déjà à sa modestie naturelle, s'était expliqué ses préférences. Cependant, à mesure que le nombre des délaissés diminuait autour d'elle, son anxiété et sa tristesse augmentaient. Mais lorsque restait seule avec cette jeune fille laide, dont la laideur n'était pas même compensée par quelque élégance de manière, mademoiselle de Beauménil se vit, pour ainsi dire, Dédaignée, après avoir été comparée à sa compagne, elle ressentit un coup douloureux. « Hélas !» se disait la pauvre enfant avec une tristesse indéfinissable. « Puisque je n'ai pu supporter la comparaison avec aucune des jeunes filles qui se trouvaient à côté de moi, et même avec la dernière que l'on a invitée, je ne dois donc jamais plaire à personne. Si l'on veut me persuader le contraire, l'on obéira. Je n'en puis plus douter maintenant à une arrière-pensée basse et cupide. Au moins toutes ces jeunes filles que l'on m'a préférées sont bien assurées que cette préférence est sincère. Aucun doute cruel ne flétrit leur innocent triomphe. Ah, jamais je ne connaîtrai même cet humble bonheur. » À ces pensées, l'émotion de Mademoiselle de Beauménil fut si poignante qu'il lui fallut un violent effort pour contenir ses larmes. Mais si ses pleurs ne coulèrent pas, son pâle et doux visage trahit un sentiment si pénible que deux personnes, deux cœurs généreux, en furent frappées tour à tour. Pendant que Mademoiselle de Beauménil s'était livrée à ses réflexions cruelles, la contredanse avait suivi son cours. Olivier dansait avec Mademoiselle Hortense Herbeau, et le jeune couple se trouvait placé en face d'Ernestine. Lors d'un repos, Olivier, jetant par hasard les yeux sur les banquettes désertes, remarqua d'autant plus l'humiliant délaissement de Mademoiselle de Beauménil, qui seule ne dansait pas, puis l'expression navrante de sa physionomie. Olivier en fut sincèrement touché et dit tout bas à Madame Herbeau: « Mademoiselle Hortense, quelle est donc cette jeune fille qui est là-bas toute seule, sur cette longue banquette et qui a l'air si triste? Je ne l'ai pas encore vue ici, ce me semble. » « Mon Dieu, non, monsieur Olivier, c'est une jeune personne qu'une des amies de maman lui a présentée aujourd'hui. C'est donc cela. Elle n'est pas jolie, elle ne connaît personne ici. On ne l'a pas engagée. Pauvre petite, comme elle doit s'ennuyer. » « Si je n'avais pas été invité par vous, monsieur Olivier, et si ma sœur n'avait pas comme moi promis d'autres contredanses, je serais resté auprès de cette jeune personne, mais... » « C'est tout simple, mademoiselle Hortense. Vous avez à accomplir vos devoirs de maîtresse de maison. Mais moi, bien certainement, j'engagerai cette pauvre petite fille pour la première contredanse. Cela fait peine de l'avoir ainsi délaissée. « Ah, merci pour maman et pour nous, monsieur Olivier. Ce sera une bonne œuvre, » dit Hortense. « Une véritable charité. » Peu de temps après qu'Olivier eut remarqué l'isolement de mademoiselle de Beauménil, Herminie, qui était restée seule et rêveuse dans la chambre à coucher, rentra au salon. Elle causait avec madame Herbeau, appuyée sur le dossier de son fauteuil. Lorsque, s'interrompant, elle lui dit en regardant par la porte de la salle à manger dont les vantaux étaient ouverts: « Mon Dieu, que cette jeune fille qui est là-bas toute seule sur cette banquette paraît donc triste. » Madame Herbeau leva les yeux de dessous ses cartes et après avoir regardé du côté que lui indiquait Herminie, elle lui répondit: « C'est une jeune personne qu'une de mes amies qui est là au nain jaune m'a présentée ce soir. Dame, ma chère Herminie, que voulez-vous? Cette nouvelle venue ne connaît personne ici et entre nous elle n'est guère jolie. Ce n'est pas étonnant qu'elle ne trouve pas de danseur. Mais cette pauvre enfant ne peut pourtant pas rester ainsi abandonnée toute la soirée, » dit Herminie. « Et comme par bonheur je suis boiteuse, je vais m'occuper de l'étrangère et tâcher de lui faire paraître le temps moins long. » « Il n'y a que vous, belle et généreuse duchesse que vous êtes, » répondit en riant madame Herbeau, « pour penser à tout et avoir une si bonne idée. Je vous en remercie, car Hortense et Claire sont obligées de danser toutes les contredanses et il est probable que cette jeune personne les manquera toutes. « Oh, quant à cela, madame, ne le craignez pas, » dit Herminie, « je saurai épargner ce désagrément à cette jeune fille. » « Comment ferez-vous, belle duchesse ?»« Oh, c'est mon secret, madame, » répondit Herminie. Et elle se dirigea, toujours boitant, la menteuse, vers la banquette où était seule assise mademoiselle de Beauménil.